passe. Il n'est plus là. Qu'est-il donc devenu? Il est dans l'invisible, il est dans l'inconnu. Il baigne l'homme dans le songe, dans le fait, dans le vrai plafond, dans la clarté, dans l'océan d'en haut, plein d'une vérité dont le prêtre a fait un mensonge. Le jour se lève, il va. Le jour s'évanouit, il va. Fait pour le jour, il accepte la nuit. Voici l'heure des feux sans nombre. L'heure où, vu du nadir, ce globe semble ayant sur un large cône obscur, sous lui se déployant, une énorme comète d'ombre. La brume redoutable emplit au loin les airs. Ainsi qu'au crépuscule, on voit, le long des mers, le pêcheur, vague comme un rêve, traînant, dernier effort dans l'un jour de sueur, sa nasse où les poissons font de pâles lueurs, aller et venir sur la grève. La nuit tire du fond des gouffres inconnus son filet où lui Mars, où rayonne Vénus. Et pendant que les heures sonnent, ce filet grandit, monte, emplit le ciel des soirs, et dans ses maillots d'ombre et dans ses réseaux noirs, les constellations frissonnent.